mon envol. Déploie mes ailes comme Icar, on m'égare. Beaucoup veulent que je devienne une big star. Je viens d'une ville barche où tout le monde bigra, fume la nuit, c'est vide dark. Je t'assure, be careful, c'est bizarre. Petit, on rêve de ballon de foot. Certains ont du talent, mais pour rien au ballon de fou. Nos têtes tournent entre les fours et les cracks à où. Je me dis, faut que je trace ma route avant le blackout. Je braque la route de la fortune, comme ça tout roule. Je craque, j'avoue, je m'en sors plus à part à Château Rouge. J'échappe au loup quand les flics sont dans le bat. Je me dis, faut que je fasse mon trou comme un petit chez Jambar. Ici, on devient barge, on en bave, on peine à vivre. Faut qu'on en parle, je rêve de gros sommes comme Ben Ali. Certains visent le Panthéon, au risque de perdre le fil, je vole comme le papillon. Commentaire auprès de ma fille. Déploie mes ailes, vole comme un papillon, loin de mon HLM, à l'aise au-dessus des pavillons. Je rêve de liberté, de gloire et d'indépendance, d'une trêve, qu'on vive en paix en France. Je déploie mes ailes, vole comme un papillon, loin de mon HLM, à l'aise au-dessus des pavillons. Je rêve de liberté, de gloire et d'indépendance, d'une trêve, qu'on vive en paix en France. Prends mon envol et mes ailes brûlent. De par Axel brut, et ça envoie des 16 brutes. Au risque d'être dur, j'kick et gère truc. Entre vice et vertu, pour du fric nos frères sputent. Sur le parvis on erre, loin des zones pavillonnaires. Perdu à mer tant qu'on sera pas millionnaire. À mou le problème, je vais te faire ça propre. Et si ça te plaît, tu peux crier Nernatrop. J'bosse, j'veux pas qu'il galère mon fils. Même si en poche j'ai pas le salaire, Gaël mon fils. Souffons son kiff. La vie est belle, toujours la même, de Villiers au Père à Villiers le Bel. Tant que mes sons fédèrent, mes fans seront fidèles. Au risque de tout perdre comme Strauss-Kahn au Sofitel. On sait d'où on vient, mais pas où on finira. On assume nos actes, les regrets c'est pour les funérailles. J'déploie mes ailes, vole comme un papillon, loin de mon HLM. À l'aise au-dessus des pavillons, j'rêve de liberté, de gloire et d'indépendance, d'une trêve, qu'on vive en paix en France. J'déploie mes ailes, vole comme un papillon, loin de mon HLM. À l'aise au-dessus des pavillons, j'rêve de liberté, liberté, de gloire et d'indépendance, d'une trêve, qu'on vive en paix en France. On a joué avec le feu, on s'est tous brûlés. Beaucoup ont hurlé, fait des sous, très peu ont duré. Duré, la réalité quand t'être rattrape, on est doué. Quand il s'agit d'être à battre, douche genre, un ghetto dans un coupe-gorge. Pour le verre strap, faut se lever tôt quand mes cousses dorment. Y'a toutes sortes de gens que les mômes rêvent d'être, mais très peu de chance de réussir, ça n'y a Molenbeek. Arriver d'autre part, c'est en couille que nous partons. La haine fait un carton, quand Dieu parle de pardon, ils se rendent pas compte. Pour Insta, trop instable, loin d'être une star à un stade. Péter un cap, TSR a une réputation qui précède. Une vie précaire et 18 raisons, niquer le préfet. C'est nous qui le préfère, dès qu'on s'applique. La réussite, je la préserve, vu le temps que ça a pris. J'déploie mes ailes, vole comme un papillon, loin de mon HLM. À l'aise au-dessus des pavillons, je rêve de liberté, de gloire et d'indépendance, d'une trêve, qu'on vive en paix en France. J'déploie mes ailes, vole comme un papillon, loin de mon HLM. À l'aise au-dessus des pavillons, je rêve de liberté, de gloire et d'indépendance, d'une trêve, qu'on vive en paix en France. Je déploie mes ailes, vole comme un papillon.